Bonjour, mes frères et sœurs de Val d'Or. Comment ça va ce matin? Nous allons continuer ce matin notre étude de l'Apocalypse et nous sommes au chapitre 14. Et nous allons commencer, si vous voulez bien, par un moment de prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux que tu nous aies laissé ce livre qui nous parle de la fin de ce monde et de la fin de l'Église dans ce monde. Et tu nous parles du monde nouveau que tu vas créer pour ta gloire et la gloire de ton Fils Jésus. Puisses-tu, Seigneur, encore une fois ce matin, nous encourager à la persévérance et à l'adoration de notre grand Dieu. Au nom de Jésus, amen. Nous avons vu à partir du chapitre 6 et 7, que Dieu retient la colère qui va atteindre le monde, qui l'a rejeté, qui l'a diffamé. Et la raison pourquoi Dieu retient cette colère, c'est qu'il dit « Le nombre de vos frères n'est pas complet. » Et il dit au verset 7, nous n'avons pas terminé de marquer du sceau ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais aussitôt que ça est terminé, le chapitre 8 enclenche des fléaux, des manifestations de la colère de Dieu, des jugements de Dieu sur le monde. C'était les trompettes qui ont commencé là. Et ensuite, au chapitre 9, nous avons vu le commencement des trois malheurs que l'ange avait annoncés. Ensuite de ça, le chapitre 10 nous dit, il n'y a plus de délai. C'est terminé. Dieu va prendre possession de son règne. Et en arrivant au chapitre 11, nous avons les deux témoins qui tourmentent la terre pendant une période de temps, et à la fin de cette période de temps-là, Satan est jeté sur la terre avec tous ses anges, donc des démons. Et lui aussi va tourmenter la terre et il va s'attaquer à l'Église, au peuple de Dieu. Et ensuite, au chapitre 13, nous avons vu ce Satan qui est sur la terre, qui va prendre, on a vu, soit des personnes ou soit des groupes de personnes, et il va pousser, séduire la terre entière afin qu'elle puisse l'adorer. Et ces personnes ou ces groupes de personnes sont imagés par deux bêtes. Une bête qui sortait de la mer, et, qu'on appelait la bête politique, et ensuite ça, une bête qui sort de la terre, qu'on appelait la bête religieuse, ou le faux prophète, qui lui, par des miracles et des prodiges, séduit le monde et amène le monde à adorer la première bête et le dragon qui est Satan. Et ce matin, nous entrons dans le chapitre 14 et nous allons voir qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont marqués. À ce moment-là, je crois, personnellement, dans l'histoire, tout le monde est marqué. Il y en a qui sont marqués du sceau de Dieu, chapitre 6 et 7, et Hanok sont marqués du sceau de la bête, chapitre 13. Mais quelle est la destinée de ces deux groupes-là? Nous allons voir ça ce matin, et nous allons commencer par le premier groupe, le groupe de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Lisons à partir du chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les veillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, nous avons ce matin ici la destinée de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, qu'on a appelé les 144 000. Et on a vu que dans l'Église, il y a deux positions en général. Il y en a qui disent que les 144 000, c'est seulement que des Juifs. Et d'autres, comme moi, disent que c'est un chiffre symbolique qui représente l'ensemble du peuple de Dieu. Peu importe, pour le moment, c'est qui les deux. Mais on va voir ce matin qu'il me semble plus facile de comprendre que ce sont l'ensemble du peuple de Dieu. Par la description qu'il donne, il me semble que c'est ne sont pas seulement que des Juifs, mais des Juifs et tous les croyants de tous les temps. Qu'est-ce qui leur arrive au verset 1? Ils se tenaient sur la montagne de Sion. Qui ça? L'agneau. Il est avec les 140 000 et il est sur la montagne de Jérusalem. La montagne de Jérusalem représente l'emplacement du temple, la présence de Dieu. Donc, ils sont avec Jésus. Les 144 000, peu importe c'est qui qu'on dit, ils sont avec Dieu. Ils sont avec l'agneau de Dieu sur la montagne de Sion, donc dans la présence de Dieu. C'est leur destinée d'être avec l'agneau, d'être avec celui qui les a rachetés, avec celui qui les a fait marquer de son sceau. Et qu'est-ce qu'ils font au chapitre 2, au verset 2, excusez, ils chantent. Ils chantent un cantique nouveau. Ils sont devant le trône et devant les êtres vivants, devant les vieillards, ils sont là et ils chantent un cantique nouveau. Il y a seulement eux qui peuvent apprendre le cantique. Seulement les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, ceux qui sont avec Jésus, l'agneau, qui sont dans la présence de Dieu, qui sont sur la montagne de Sion, qui ont le nom de Dieu marqué sur leur front et le nom de Jésus marqué sur leur front, et ce sont ceux qui chantent et qui sont les seuls qui peuvent apprendre le cantique, ce sont les rachetés. Ils ont été rachetés de la terre. Donc ça, c'est une partie de la description qu'on donne d'eux. Ils sont rachetés de la terre. C'est pour ça que je crois que c'est plus grand que juste des Juifs. Ces 144 000-là, selon moi, ici, sont rachetés de la terre. Donc, le mot « terre » ici est plus grand que d'Israël ou parmi les 12 tribus d'Israël. C'est des gens qui sont rachetés par toute la terre. Et une autre description qu'on donne d'eux, au verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ici, si vous pensez que c'est les 144 000, ils disent que certains vont dire, ben, c'est des gens, c'est des hommes célibataires. Mais depuis quand est-ce que d'avoir une femme, de prendre une femme, ça souille un homme? Jamais dans la Bible, il nous est dit que le fait de prendre une femme ou d'épouser une femme pour un homme, ça le souille. Et ça le souille spirituellement. Je crois que le mieux de comprendre ici, c'est que ces 144 000-là, ces rachetés de la terre-là, ne sont pas des idolâtres. Parce que dans l'ensemble de l'Apocalypse, les femmes représentent les fausses religions, les prostituées, comme la grande prostituée qui est aussi une femme. Donc, je crois que le mieux ici, pour comprendre c'est qui les 144 000, c'est des hommes et des femmes et des enfants, c'est toutes les rachetés, et les rachetés ne se sont pas souillés avec des femmes, avec de fausses religions. Et faites la recherche à travers l'Apocalypse, et vous allez voir que il semble la meilleure interprétation. Car ils sont vierges. Donc, ils sont vierges non pas qu'ils n'ont jamais connu de femme, mais ils sont vierges parce qu'ils sont restés attachés à leur fiancé. Les noces de l'agneau vont avoir lieu plus loin. Donc, Paul avait dit ça dans Corinthiens. Je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, ce sont des hommes qui ont été rachetés de la terre, qui ont été marqués du sceau de Dieu, qui ne sont pas souillés avec de fausses religions. Ils sont vierges, ils sont restés purs, ils sont restés attachés à celui qu'ils ont été fiancés, qu'ils sont engagés. Et qu'est-ce qu'ils font, ces 144 000-là aussi? Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est le symbole de tous les croyants, pas seulement que des juifs, 144 000. Tous les juifs, les croyants suivent l'agneau partout où il va. Même sur la terre, nous sommes son corps. Il est notre tête. Nous sommes les membres de son corps. Nous sommes le corps mystique de Christ, donc nous le suivons, c'est automatique. Et il complète la description au verset 4, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et donc ils sont rachetés, c'est des gens qui ont été sauvés, Jésus a payé pour eux d'entre les hommes. C'est encore plus large ici que les 12 tribus d'Israël. Ça s'est tiré par les cheveux de dire si que racheter entre les hommes, ça représente seulement que les hommes d'Israël. Je crois qu'ils ont été rachetés parmi tous les hommes de la terre. Donc, je crois que les 144 000 ici ne sont pas seulement que des hommes, mais hommes, femmes, enfants, de toutes les tribus de la terre, parmi les hommes de la terre, ils ont été rachetés. Ils suivent le Christ. Ils sont avec lui. Ils sont marqués du sceau de Dieu. Ils chantent un cantique que seulement eux peuvent apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement eux qui sont rachetés. Ils sont purs. Ils ont gardé la foi en Christ. Et au verset 5, il complète la description en disant « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » Ça ne veut pas dire que ces hommes-là n'ont jamais menti à leurs femmes, à leurs enfants, à leur mère, à leur père, à leurs voisins. Le mot « mensonge » ici, c'est ceux qui sont contraires à la vérité. C'est pour ça qu'il dit à la fin de l'Apocalypse, et tous les menteurs vont être jetés dans le temps de feu et de souffle. Les menteurs dans l'Apocalypse, c'est ceux qui ont adhéré au mensonge, qui n'ont pas gardé la vérité. Donc, il ne s'est pas trouvé dans leur bouche des mensonges, des fausses religions, une fausse évangile, un faux Christ, car ils sont irréprochables. Qu'est-ce qui rend un croyant irréprochable? Ce n'est pas sa conduite personnelle. C'est sa foi en Christ. C'est sa foi dans l'Évangile transmise par les apôtres. C'est le fait qu'ils n'ont pas adhéré à des doctrines de Baal ou à des doctrines de Jézabel ou à des doctrines de Satan. Ils ont gardé la foi et ça les rend irréprochables. Donc, ça, c'est la destinée de ceux qui ont pris la marque de Jésus, la marque de Dieu. Ce sont ceux qui ont été rachetés parmi les hommes, qui ont gardé la foi, qui ont resté purs, qui ont resté vierges, et qui vont être, finalement, présentés à l'époux. Ils vont célébrer les noces de l'agneau. Ça, c'est le premier groupe. Nous allons voir maintenant le deuxième groupe en lisant le chapitre 14 à partir du verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Donc, Jean continue à regarder dans le ciel et il voit trois anges. Le premier ange, qui volait au milieu du ciel, au verset 6, il avait un évangile éternel. Le mot évangile éternel, ici, c'est le mot une bonne nouvelle éternelle. Ce n'est pas ici l'évangile du salut. C'est une bonne nouvelle que l'ange annonce. Qu'est-ce qu'elle contient, cette bonne nouvelle-là? Et à qui doit-il l'annoncer? Aux habitants de la terre, de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Cet ange-là va déclarer quelque chose au monde entier. Que va-t-il dire? Au verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Donc, c'est ça sa bonne nouvelle. C'est ça l'évangile éternel que lui doit annoncer. Ce n'est pas croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous allez être sauvés. Non, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez-le. C'est ça son message. L'heure de son jugement, le grand jugement dernier, est arrivé. Je crois que ceux qui vont craindre Dieu, qui vont lui donner gloire et qui vont l'adorer, ce sont ceux qui sont contents de voir arriver le jugement de Dieu. Ce sont ceux qui aime Dieu et aime le Fils. Je crois que c'est le premier groupe. Parce qu'on va voir que le groupe Le deuxième groupe, qui sont ceux qui prennent la marque de l'agneau, eux autres, on va voir qu'ils sont en colère et qu'ils ont de la haine et qu'ils blasphèment Dieu et qu'ils ne se repentent pas. Mais j'entends, il y a la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui finalement va prendre place à partir du chapitre 16-17 en s'en allant, les sept coupes de la colère de Dieu qui vont emmener le grand jugement de Dieu sur le monde entier et mettre une fin à la folie du monde. Ça, c'est le message du premier ange. Le deuxième ange, au verset 8, qui vient, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Donc, le deuxième ange annonce, lui-ci, quelque chose, Babylone la grande, ou, qu'on va voir plus loin, la grande prostituée, la mère de toutes les prostituées, la mère de toutes les débauchées, c'est elle qui a abreuvé toutes les nations de la terre de sa débauche. On ne parle pas d'une débauche sexuelle, mais d'une débauche spirituelle. C'est elle. Elle est tombée. Elle est tombée à cause de quoi? À cause de l'heure de son jugement est arrivée. La grande Babylone, on va voir ça au chapitre 17, 18, 19, on va voir la chute de la grande Babylone. Elle va tomber finalement. Et elle va être détruite. Elle va être jetée en enfer, elle aussi, finalement. Mais pour l'Église qui entend ça, c'est un message de joie, de bonheur. Finalement, ceux qui haïssaient leur Dieu, qui les haïssaient eux aussi, vont finalement être détruits. Au verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira. Lui aussi, l'autre c'est qui? C'est la grande Babylone. Lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête. Donc, la destinée de ceux qui prennent la marque de la bête, ceux qui acceptent d'être marqués sur leur front, sur leurs mains, vont avoir la même destinée de la grande Babylone. Ils disent, vous avez été séduits par la grande Babylone, vous avez été séduits par la grande prostituée, vous avez été séduits par leur débauche, vous allez avoir la même conséquence. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'Église au verset 11? Excusez, 12. Persévérez. Persévérez. Gardez les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Persévérez. Si vous persévérez, vous allez être sur la montagne de Sion avec l'agneau. Vous allez être avec lui pour l'éternité. Vous allez chanter ses louanges pour l'éternité. Vous allez être dans la présence de l'agneau et de Dieu. Mais si vous rejetez l'Évangile, si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, si vous ne persévérez pas et que vous adoptez ou acceptez la marque de la bête pour sauver vos vies, vous allez avoir la même conséquence, le même jugement que la grande prostituée dans le feu éternel à jamais. Donc, tout le monde est marqué. C'est fini le temps de la grâce. C'est le temps du jugement qui s'en vient. C'est le temps du jugement. Un groupe, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, et ça c'est terminé, ils ont tous été marqués. Et l'autre groupe, ceux qui ont pris la marque de la bête. Et nous allons voir les conséquences de cela en s'en allant. Mais nous allons terminer notre chapitre 14, si vous voulez bien, en voyant d'autres anges qui vont finalement appeler les sept anges qui vont apporter les sept coupes de la colère de Dieu sur le monde. Lisons ensemble à partir du verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance la faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille, tranche et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc ce matin, ce que nous avons vu ensemble, c'est la destinée de ces deux groupes. Et c'est ceci qui va nous aider à persévérer. Parce que, comme je l'ai dit tout au long, le but de ce livre-là, ce n'est pas une boule de cristal dans laquelle on peut regarder puis juste dire, ah, oh, ben là, on regarde qu'est-ce qui va arriver dans la fin des temps. Et c'est comme si on serait loin de ces événements-là. Non. Ça a été écrit à l'église du temps de Jean, cette église qui a besoin d'être encouragée parce qu'elle souffre beaucoup pour le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu veut encourager l'église à la persévérance. Et cette persévérance va être utile, va être valable seulement si on persévère dans la vérité, dans les commandements de Dieu, dans la foi de Jésus. Parce que même si je reste accroché à la religion que je pratique, ça va pas me faire épargner la colère de Dieu. Il faut que je garde la vérité. Et comment c'était important pour l'Église de ce temps-là de s'évaluer et de regarder s'il maintenait, s'il gardait l'Évangile tel qu'il l'avait reçu par les apôtres. Parce qu'on a vu dans les sept églises que les églises s'étaient éloignées, s'étaient détournées, s'étaient laissées leurrer, s'étaient laissées séduire par les Nicolaïtes, par Jézabel. Et on a vu comment l'Église était dans un état piteux, si je peux dire ainsi. Il faut garder la vérité. Il faut persévérer dans ce qui est vrai. Comment il est important de toujours réévaluer qu'est-ce qu'on croit. Parce que ce qu'on voit dans l'Apocalypse et dans l'histoire de l'Église, c'est que l'Église a tendance à s'éloigner. C'est pour ça que vous voyez, si vous avez lu le moindrement l'histoire de l'Église, vous voyez, chaque Église croit à l'Évangile et tout d'un coup se met à s'éloigner. Comme ça, au temps de Jean. 70 ans à peu près après la mort de Jésus, l'Église était rendue dans un état vraiment lamentable. Et quand on lit l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on voit. On voit les grandes églises qui fonctionnent pendant 100 ans, pendant 150 ans, pendant 200 ans, et tout d'un coup, ils sont totalement mortes. Théologiquement mortes. Donc, il faut toujours réévaluer ce qu'on croit. Est-ce que ce que je crois, est-ce que ça vient vraiment des Écritures? Ce que je crois, est-ce que c'est vraiment correct avec l'enseignement des apôtres, avec la foi transmise une fois pour toutes? Si oui, je persévère là-dedans et je me réjouis de ce qui s'en vient pour nous, pour les croyants, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Mais en même temps, ceux qui réalisent en lisant l'Apocalypse, ceux qui, dans les sept églises de l'Asie, en recevant ces lettres-là, réalisent qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils se sont éloignés de la vérité. Wow, c'est vrai qu'on a suivi une Jézabel. Wow, c'est vrai que maintenant on a adhéré au Nicolaïte. Wow, c'est vrai que maintenant je me crois riche, mais que je suis pauvre spirituellement. Wow, c'est vrai que je pense pour être vivant, mais je suis mort. Wow, faut que je fasse de quoi? Je dois me repentir. Et je vous dis, frères et sœurs, à travers l'histoire de l'Église, on voit à plusieurs reprises l'Église se repentir. L'Église revenir aux vérités de base. Moi, je crois personnellement que, comme Martin Luther, était un de ces moines qui, en lisant la Bible, s'aperçoit que l'Église dans laquelle il est, dans l'Église dans laquelle il est, professe Jésus, professe la mort de Jésus, professe la résurrection de Jésus, mais ils se sont éloignés. Ils ne croient plus à un salut par la grâce, mais à un salut par les œuvres. Et Martin Luther prend position, se repent de cela et se tourne vers l'Évangile seul par la foi en Jésus-Christ et ils vont entraîner dans son mouvement des milliers de personnes qui vont aussi se repentir et se tourner dans la foi en Jésus-Christ seul pour leur salut. Et encore aujourd'hui, je crois que si on prêche l'Apocalypse, dans l'Église, je crois qu'il y a des gens qui vont se lever, qui vont se repentir, qui vont se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ. Je crois que c'est une des raisons pourquoi l'Apocalypse n'est plus enseignée, ou presque plus enseignée, dans les Églises. On ne veut pas s'examiner et peut-être réaliser qu'on n'est pas sauvé et qu'on doit se repentir et être sauvé. Il y a peut-être beaucoup plus de monde non sauvé dans les églises dans le monde aujourd'hui que de personnes sauvées. Donc, partageons l'Évangile, partageons l'Apocalypse. Partageons la vérité afin que les croyants persévèrent, afin que les gens se repentent, ceux qui ont besoin de se repentir, et que Dieu soit glorifié dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, aide-nous, aide-nous à toujours vérifier, toujours examiner, toujours réévaluer ce que nous croyons, afin qu'on puisse être dans la vérité et qu'on puisse transmettre à la génération qui vient la vérité en Jésus. Seigneur, la persévérance, ça vient de toi. Donne-nous, Seigneur, de persévérer. Nous te demandons par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. que tu puisses nous donner la grâce d'évaluer et de garder les commandements et la foi en Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui ne se sont pas repentis et qui ont besoin, je te prie que tu puisses les convaincre par ton Esprit Saint. Tu puisses les convaincre de se tourner vers Dieu et vers Jésus et vers l'Évangile de la grâce. Seigneur, le but de la foi chrétienne, c'est d'adorer notre Dieu. C'est de servir notre Dieu. C'est de faire connaître notre Dieu et son Fils Jésus. Aide-nous à le faire, au nom de Jésus.